que tu t'es déjà fait rabaisser par celle que t'aimais secrètement? Gentil en privé mais devant les gens cruels et légères. Est-ce que t'as déjà tapé quelqu'un juste pour qu'on te respecte sans excuse? Est-ce que t'as déjà regretté au point de bégère? Est-ce que tu t'es déjà dit faut que je me secoue, j'ai plus 16 ans? N'être plus qu'une âme perdue, errer, éroder des heures. Voir un mec se faire raqueter, appeler au secours et pisser le sang. Dans le même wagon du RER où t'étais seul. Est-ce que t'as détourné le regard, dégoûté face à ta propre lâcheté? Est-ce qu'après t'as fait des trucs de malade juste pour te racheter? Est-ce pour ça que t'as été violent quand la prof t'a acheté? Est-ce que tu t'es identifié au taf de court trajet? Est-ce que tu gardais à l'époque des secrets de famille lourds dont tu peux même pas parler à tes potes? Même pas de balles pour un café, rêvais-tu de sauter la serveuse? L'été à Paris dans les parcs, tu sortais la serviette. Est-ce que t'as déjà ressenti l'ivresse en t'imaginant la tristesse de ceux qui te connaissent si tu te faisais sauter la cervelle? Est-ce que t'as déjà ressenti la nature au point que ça en soit douloureux? Aimerais-tu partir en souhaitant bonne chance à tous les refs? Est-ce que tu t'es déjà menti à toi-même? Est-ce que t'as été surpris quand on t'a dit on tient à toi mec? Est-ce que tu serais fidèle même terrifié avec un flingue sur la tempe? Est-ce que t'as honte de vérifier que t'es bien coiffé sur la toffe? As-tu déjà brisé de tes mains la vitrine dans un gamme? Victime du seum et du stress qui détruit nos organes en regardant goûter ton sang? T'es-tu déjà planqué pour recompter ta somme jusqu'à ce qu'un condé t'assomme? Est-ce que tu te réveilles au milieu de la nuit? Encore une inspi en sachant que l'alcool et l'esplif abîment le corps et l'esprit. T'es-tu remis avec elle après qu'elle t'ait été infidèle? Est-ce que t'oublies que tu l'as détestée et t'as envie d'elle? Est-ce que pour ne pas la gifler t'as dû te battre contre l'instinct? T'es-tu juré que plus jamais tu perdrais le contrôle à ce point? Est-ce que t'étais comme vide quand ils t'ont annoncé? T'en es-tu voulu de ne pas pleurer sa mort? Est-ce que tu t'es forcé? Est-ce que c'est venu plus récemment pour un détail anodin? En point de chialer toute la nuit sur un vieux son de rap français. J'ai pas fait d'études, j'emmerde les politiques, j'ai pas fait HEC, j'ai pas besoin de ça pour m'exprimer quand je vois des pauvres sur la chaussée. Je connais les tafs de merde, les potes qui partent le shit dans la chaussette. Je me suis longtemps demandé si je pouvais faire quelque chose, mais là je sais, non j'ai pas fait l'ENA ni Sciences Po, j'ai pas fait HEC, j'ai pas besoin de ça pour m'exprimer quand je vois des pauvres sur la chaussée. Je connais les tafs de merde, les potes qui partent le shit dans la chaussette. Je me suis longtemps demandé. Je viens d'un monde où même les morts sont à vendre. J'avance car l'avenir m'attire et je réponds aux questions du morceau d'avant par l'affirmative. Personne pourra alléger nos peines. Tu ferais quoi à notre place? Y'a des choses qu'on doit faire seul. Personne pourra alléger nos plaies. À notre place, parcourir la ville avec mes chats crevés, partager chaque grain, noyer notre chagrin dans chaque revêt, tremper jusqu'aux os sous l'averse. Déjà de gouttières dans cette puissance saveur, on cherche les goûts d'hier, alors le sang se verse. Elle attend son sauveur, ma princesse. Mais un jour je partirai sans affaire, attiré par les sens inverses. Cette envie de bombarder quand tous les feux sont rouges, j'ai l'esprit daltonien. Toi tu fais le mal quand t'étales ton bien. Mes pensées enfermées dans une tolère métique. Un amour infini pour mes proches qui me pardonnent, ceux qui tolèrent mes tics. Peu de respect pour les colères d'étiquette, vu que mon cœur a la couleur des tigres. Le sang glacial sous la polaire, je médite. Je te parle d'honneur, d'éthique. Nos parents ont souffert debout. Chaque victoire, ils sont fiers de nous. Pour ça qu'on leur dédie. J'ai la colère des petits à qui on demande de choisir d'un coup leur métier. Qui a conseillé la conseillère d'orientation? Ma jeunesse, son cœur est en sang. L'oseille est en rotation. Profiter sans faire attention. T'emmène en centre de rétention. Obligé de s'enterrer dans le son. Trouver une putain de raison. Vive. J'ai frappé dans les murs mais ça résonne vide. C'est pour les gosses à l'allure bizarre, les voleurs, les éléphants man. Les mecs instables qui ont des putains de valeurs mais les défendent mal. Humanoïdes. Entrer dans ce monde plat nous dessert. Je plane et se le désir, j'ai peur que de moi. Car le sage n'est pas de ceux qui craignent le sabre. Écrivain le soir, je rappe sur les dunes pendant des heures. Un petit grain de sable, la solitude m'inspire désert. J'entends tout ce rap dans mon crâne comme des mantras qui m'entravent. Et même quand on montera, y'a toujours quelque chose qui manquera. Tant que je continuerai à reculer pour compter mes pas. Le pire c'est de capter que c'est même pas qu'on t'aimait pas. C'est juste qu'on t'ignorait. Pire qu'un robot d'Asimov, ta vie un casino. T'es quasiment en liberté, enfermé dans des cases immenses. Une femme battue se fait carnage désincarné. Sans écarlate sur le carrelage, moi je garde ça dans un carnet. Trop de moments en prison, fuis ce monde oppressant. Trop de moments précieux, vis le moment présent. J'emmerde l'horloger. Tu ferais mieux de réfléchir, famille de réfugiés, jamais relogés. Quand je parle de valeur, ils me parlent de premier prix. Ils méprisent la maîtrise, je maîtrise le mépris. En dépit de l'esprit, on est pris dans l'écrit. Seul face à mon reflet, aucune symétrie. Et puis j'ai rendu la seule qui m'est maîtrise. Celle qui s'était déprise, de maîtrise, de débris. Et mes regrets, mes tripes. Car j'ai vu depuis mes écrits la détruire, la déprime, la maigrir. Quand l'amour en aigrit, ça devient fatalement comme la fin. loin d'un monde où le soleil mourant écrit. Meurtri comme un ermite, je ne décris que l'éternité. Putride devient l'esprit qu'on a pétri de modernité. Je ne vois que des vitrines, mais ce qui brille nous le ternissons. Des crises, des crimes, des cris, des griffes que nous vernissons. C'est pour les cyborgs défectueux, les éléphants man. Les mecs instables qui ont des putains de valeurs, mais les défendent mal. Humanoïdes. Si ça pouvait me porter malheur de croire à mon propre bonheur, je crois que ça me fait peur tellement j'ai souffert. Encore un texte rempli d'aveux pour toi, si l'amour rend aveugle, pourquoi l'ai-je embrassé les yeux ouverts? Comme si ça pouvait me porter malheur de croire à mon propre bonheur, je crois que ça me fait peur tellement j'ai souffert. Encore un texte rempli d'aveux pour toi, si l'amour rend aveugle, pourquoi l'ai-je embrassé les yeux ouverts? Hey.